Section 36. Troisième partie, livre 11e. Suite. Madame Récamier, revenant en France, traversa Rome au moment où le pape y rentrait. Dans une autre partie de ses mémoires, vous avez conduit Pie VII, mis en liberté à Fontainebleau, jusqu'aux portes de Saint-Pierre. Joachim, encore vivant, allait disparaître, et Pie VII reparaissait. Derrière eux, Napoléon était frappé. La main du conquérant laissait tomber le roi et relevait le pontife. Pie VII fut reçu avec des cris qui ébranlaient les ruines de la ville des ruines. On détella sa voiture et la foule le traîna jusqu'au degré de l'église des apôtres. Le Saint-Père ne voyait rien, n'entendait rien. Ravi en esprit, sa pensée était loin de la terre. Sa main se levait seulement sur le peuple par la tendre habitude des bénédictions. Il pénétra dans la basilique au bruit des fanfares, au chant du Te Deum, aux acclamations des Suisses de la religion de Guillaume Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums qu'il ne respirait pas. Il ne voulut point être porté sur le pavois à l'ombre du dais et des palmes. Il marcha comme un naufragé accomplissant un vœu à Notre-Dame de bon secours et chargé par le Christ d'une mission qui devait renouveler la face de la terre. Il était vêtu d'une robe blanche. Ses cheveux, restés noirs malgré le malheur et les ans, contrastaient avec la pâleur de l'anachorète. Arrivé au tombeau des apôtres, il se prosterna. Il demeura plongé, immobile et comme mort, dans les abîmes des conseils de la Providence. L'émotion était profonde. Les protestants, témoins de cette scène, pleuraient à chaudes larmes. Quel sujet de méditation ! Un prêtre infirme, caduque, sans force, sans défense, enlevé du Quirinal, transporté captif au fond des Gaules, un martyr qui n'attendait plus que sa tombe, délivré des mains de Napoléon qui pressait le globe, reprenant l'empire d'un monde indestructible quand les planches d'une prison d'outre-mer se préparaient pour ce formidable geôlier des peuples et des rois. Pie VII survécut à l'empereur. Il vit revenir au Vatican les chefs-d'œuvre, amis fidèles qui l'avaient accompagné dans son exil. Au retour de la persécution, le pontife septuagénaire, prosterné sous la coupole de Saint-Pierre, montrait à la fois toute la faiblesse de l'homme et la grandeur de Dieu. En descendant les Alpes de la Savoie, Madame Récamier trouva au pont de Beauvoisin le drapeau blanc et la cocarde blanche. Les processions de la fête-Dieu, parcourant les villages, semblaient être revenues avec le roi très chrétien. À Lyon, la voyageuse tomba au milieu d'une fête pour la restauration. L'enthousiasme était sincère. À la tête des réjouissances paraissaient Alexis de Noailles et le comte Clary, beau-frère de Joseph Bonaparte. Ce qu'on raconte aujourd'hui de la froideur et de la tristesse dont la légitimité fut accueillie à la première restauration est une impudente menterie. La joie fut générale dans les diverses opinions, même parmi les conventionnels, même parmi les impérialistes, les soldats exceptés. Leur noble fierté souffrait de ces revers. Aujourd'hui que le poids du gouvernement militaire ne se sent plus, que les vanités se sont réveillées, il faut nier les faits parce qu'ils ne s'arrangent pas avec les théories du moment. Il convient à un système que la nation ait reçu les Bourbons avec horreur et que la Restauration ait été un temps d'oppression et de misère. Cela conduit à de tristes réflexions sur la nature humaine. Si les Bourbons avaient eu le goût et la force d'opprimer, ils se pouvaient flatter de conserver longtemps le trône. Les violences et les injustices de Bonaparte, dangereuses à son pouvoir en apparence, le servirent en effet. On s'épouvante des iniquités, mais on s'en forge une grande idée. On est disposé à regarder comme un être supérieur celui qui se place au-dessus des lois. Madame de Staël, arrivée à Paris avant Madame Récamier, lui avait écrit plusieurs fois. Ce billet seul était parvenu à son adresse. Paris, 20 mai 1814. Je suis honteuse d'être à Paris sans vous, cher ange de ma vie. Je vous demande vos projets. Voulez-vous que j'aille au-devant de vous à Copé, où je vais rester 4 mois? Après tant de souffrances, ma plus douce perspective, c'est vous, et mon cœur vous est à jamais dévoué. Un mot sur votre départ et votre arrivée. J'attends ce mot pour savoir ce que je ferai. Je vous écris à Rome, à Naples, etc. Madame de Genlis, qui n'avait jamais eu de rapport avec Madame Récamier, s'empressa de s'approcher d'elle. Je trouve dans un passage l'expression d'un vœu qui, réalisé, eût épargné au lecteur mon récit. 11 octobre. Voilà, madame, le livre que j'ai eu l'honneur de vous promettre. J'ai marqué les choses que je désire que vous lisiez. Venez, madame, pour me conter votre histoire en ces termes, comme on fait dans les romans. Puis ensuite, je vous demanderai de l'écrire en forme de souvenirs qui seront remplis d'intérêt, parce que dans la plus grande jeunesse, vous avez été jetée avec une figure ravissante, un esprit plein de finesse et de pénétration, au milieu de ces tourbillons d'erreurs et de folies. Que vous avez tout vu, et qu'ayant conservé durant ces orages des sentiments religieux, une âme pure, une vie sans tache, un cœur sensible et fidèle à l'amitié, n'ayant ni envie, ni passion haineuse, vous peindrez tout avec les couleurs les plus vraies. Vous êtes un des phénomènes de ce temps-ci, et certainement le plus aimable. Vous me montrerez vos souvenirs. Ma vieille expérience vous offrira quelques conseils, et vous ferez un ouvrage utile et délicieux. N'allez pas me répondre « je ne suis pas capable », etc., etc. Je ne vous passerai jamais des lieux communs. Ils sont indignes de votre esprit. Vous pouvez jeter sans remords les yeux sur le passé. C'est en tout temps le plus beau des droits. Dans celui où nous sommes, c'est inappréciable. Profitez-en pour l'instruction de la jeune personne que vous élevez. Ce sera pour elle votre plus grand bienfait. Adieu, madame. Permettez-moi de vous dire que je vous aime et que je vous embrasse de toute mon âme. » Maintenant que madame Récamier est rentrée dans Paris, note, elle arrivera à Paris le 1er juin 1814, fin de note. Je vais retrouver pendant quelque temps mes premiers guides. La reine de Naples, inquiète des résolutions du congrès de Vienne, écrivit à madame Récamier pour qu'elle lui découvrît un homme capable de traiter ses intérêts à Vienne. Madame Récamier s'adressa à Benjamin Constant et le pria de rédiger un mémoire. Cette circonstance eut sur l'auteur de ce mémoire l'influence la plus malheureuse. Un sentiment orageux fut la suite d'une entrevue. Sous l'emprise de ce sentiment, Benjamin Constant, déjà violent anti-bonapartiste, comme on le voit dans l'esprit de conquête, laissa déborder des opinions dont les événements changèrent bientôt le cours. De là une réputation de mobilité politique funeste aux hommes d'État. Madame Récamier, tout en admirant Bonaparte, était restée fidèle à sa haine contre l'oppresseur de nos libertés et contre l'ennemi de madame de Staël. Quant à ce qui la regardait elle-même, elle n'y pensait pas, et elle eût fait bon marché de son exil. Les lettres que Benjamin Constant lui écrivit à cette époque serviront d'étude sinon du cœur humain, du moins de la tête humaine. On y voit tout ce que pouvait faire, d'une passion, un esprit ironique et romanesque, sérieux et poétique. Rousseau n'est pas plus véritable, mais il mêle à ses amours d'imagination une mélancolie sincère et une rêverie réelle. Cependant, Bonaparte était descendu à Cannes. La perturbation de son approche commençait à se faire sentir. Benjamin Constant envoya ce billet à madame Récamier. « Pardon si je profite des circonstances pour vous importuner, mais l'occasion est trop belle. Mon sort sera décidé dans 4 ou 5 jours sûrement, car, quoique vous aimiez à ne pas le croire pour diminuer votre intérêt, je suis certainement avec Marmont, Chateaubriand et l'aîné l'un des 4 hommes les plus compromis de France. Il est donc certain que si nous ne triomphons pas, je serai dans 8 jours ou proscrit, ou fugitif, ou dans un cachot, ou fusillé. Accordez-moi donc, pendant les 2 ou 3 jours qui précéderont la bataille, le plus que vous pourrez de votre temps et de vos heures. Si je meurs, vous serez bien aise de m'avoir fait ce bien, et vous seriez fâché de m'avoir affligé. Mon sentiment pour vous et ma vie, un signe d'indifférence, me fait plus de mal que ne pourra le faire, dans 4 jours, mon arrêt de mort. Et quand je sens que le danger est un moyen d'obtenir de vous un signe d'intérêt, je n'en éprouve que de la joie. Avez-vous été contente de mon article, et savez-vous ce qu'on en dit ? Benjamin Constant avait raison. Il était aussi compromis que moi. Attaché à Bernadotte, il avait servi contre Napoléon. Il avait publié son écrit de l'esprit de conquête, dans lequel il traitait le tyran plus mal que je ne le traitais dans ma brochure de Bonaparte et des Bourbons. Il mit le comble à ses périls en parlant dans les gazettes. Le 19 mars, au moment où Bonaparte était aux portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer dans le journal des débats un article terminé par cette phrase « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanes pour racheter une vie honteuse. » Benjamin Constant écrivait à celle qui lui avait inspiré ses nobles sentiments « Je suis bien aise que mon article ait paru, on ne peut au moins en soupçonner aujourd'hui la sincérité. Voici un billet que l'on m'écrit après l'avoir lu. Si j'en recevais un pareil d'une autre, je serais gaie sur l'échafaud. » Madame Récamier s'est toujours reprochée d'avoir eu, sans le vouloir, une pareille influence sur une destinée honorable. Rien, en effet, n'est plus malheureux que d'inspirer à des caractères mobiles ces résolutions énergiques qu'ils sont incapables de tenir. Benjamin Constant démentit le 20 mars son article du 19. Après avoir fait quelques tours de roue pour s'éloigner, il revint à Paris et se laissa prendre aux séductions de Bonaparte. Nommé conseiller d'État, il effaça ses pages généreuses en travaillant à la rédaction de l'acte additionnel. Depuis ce moment, il porta au cœur une plaie secrète. Il n'aborda plus avec assurance la pensée de la postérité. Sa vie attristée et défleurie n'a pas peu contribué à sa mort. Dieu nous garde de triompher des misères dont les natures les plus élevées ne sont point exemptes. Le ciel ne nous donne des talents qu'en y attachant des infirmités, expiations offertes à la sottise et à l'envie. Les faiblesses d'un homme supérieur sont ces victimes noires que l'Antiquité sacrifiait aux dieux infernaux, et pourtant, il ne se laisse jamais désarmer. Madame Récamier était restée en France pendant les 100 jours où la reine Hortense l'invitait à demeurer. La reine de Naples lui offrait au contraire un asile en Italie. Les 100 jours passèrent. Madame de Kretener suivit les alliés, arrivée de nouveau à Paris. Elle était tombée du roman dans le mysticisme. Elle exerçait un grand empire sur l'esprit de l'empereur de Russie. Madame de Kretener logeait dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré. Le jardin de cet hôtel s'étendait jusqu'aux Champs-Élysées. Alexandre arrivait incognito par une porte du jardin, et des conversations politico-religieuses finissaient par de ferventes prières. Madame de Kretener m'avait invité à l'une de ses sorcelleries célestes. Moi, l'homme de toutes les chimères, j'ai la haine de la déraison, l'abomination du nébuleux et le dédain des jongleries. On n'est pas parfait. La scène m'ennuya. Plus je voulais prier, plus je sentais la sécheresse de mon âme. Je ne trouvais rien à dire à Dieu, et le diable me poussait à rire. J'avais mieux aimé Madame de Kretener lorsque, environnée de fleurs et habitante encore de cette chétive terre, elle composait Valérie. Seulement, je trouvais que mon vieil ami M. Michaud, mêlé bizarrement à cette idylle, n'avait pas assez du berger, malgré son nom. Madame de Kretener, devenue séraphin, cherchait à s'entourer d'anges. La preuve en est dans ce billet charmant de Benjamin Constant à Madame Récamier. Je dis, je m'acquitte avec un peu d'embarras d'une commission que Madame de Kretener vient de me donner. Elle vous supplie de venir la moins belle que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez tout le monde et que par là toutes les âmes sont troublées et toutes les attentions impossibles. Vous ne pouvez pas déposer votre charme, mais ne le rehaussez pas. Je pourrais ajouter bien des choses sur votre figure à cette occasion, mais je n'en ai pas le courage. On peut être ingénieux sur le charme qui plaît, mais non sur celui qui tue. Je vous verrai tout à l'heure. Vous m'avez indiqué 5 heures, mais vous ne rentrerez qu'à 6, et je ne pourrai vous dire un mot. Je tâcherai pourtant d'être aimable encore cette fois. Le duc de Wellington ne prétendait-il pas aussi à l'honneur d'attirer un regard de Juliette ? Un de ces billets que je transcris n'a de curieux que la signature. À Paris, ce 13 janvier. J'avoue, madame, que je ne regrette pas beaucoup que les affaires m'empêchent de passer chez vous après dîner, puisque, à chaque fois que je vous vois, je vous quitte plus pénétré de vos agréments et moins disposé à donner mon attention à la politique. Je passerai chez vous demain à mon retour de chez l'abbé Sicard, en cas que vous vous y trouvassiez, et malgré l'effet que ces visites dangereuses produisent sur moi. Votre très fidèle serviteur, Wellington. À son retour de Waterloo, entrant chez Madame Récamier, le duc de Wellington s'écria « Je l'ai bien battu !» Dans un cœur français, son succès lui aurait fait perdre la victoire, eût-il pu jamais y prétendre. Ce fut à une douloureuse époque pour l'illustration de la France que je retrouvai Madame Récamier. Ce fut à l'époque de la mort de Madame de Staël. Rentrée à Paris après les 100 jours, l'auteur de Delphine était redevenue souffrante. Je l'avais revue chez elle et chez Madame la Duchesse de Duras. Peu à peu, son état empirant, elle fut obligée de garder le lit. Un matin, j'étais allé chez elle, rue Royale. Les volets des fenêtres étaient aux deux tiers fermés. Le lit, rapproché du mur du fond de la chambre, ne laissait qu'une ruelle à gauche. Les rideaux, retirés sur l'étringle, formaient deux colonnes au chevet. Madame de Staël, à demi assise, était soutenue par des oreillers. Je m'approchai, et quand mon œil se fut un peu accoutumé à l'obscurité, je distinguai la malade. Une fièvre ardente animait ses joues. Son beau regard me rencontra dans les ténèbres et elle me dit « Bonjour, my dear Francis. Je souffre, mais cela ne m'empêche pas de vous aimer. » Elle étendit sa main que je pressai et baisai. En relevant la tête, j'aperçus au bord opposé de la couche, dans la ruelle, quelque chose qui se levait blanc et maigre. C'était Monsieur de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les yeux brouillés, le teint indéfinissable. Il se mourait. Je ne l'avais jamais vu et ne l'ai jamais revu. Il n'ouvrit pas la bouche, il s'inclina en passant devant moi, on n'entendait point le bruit de ses pas. Il s'éloigna à la manière d'une ombre. Arrêté un moment à la porte, la nueuse idole, frôlant les doigts, se retourna vers le lit pour ajourner Madame de Staël. Ces deux spectres qui se regardaient en silence, l'un debout et pâle, l'autre assis et coloré d'un sang prêt à redescendre et à se glacer au cœur, faisaient frissonner. Peu de jours après, Madame de Staël changea de logement. Elle m'invita à dîner chez elle, rue Neuve des Mathurins. J'y allais. Elle n'était point dans le salon et ne put même assister au dîner. Mais elle ignorait que l'heure fatale était si proche. On se mit à table. Je me trouvai assis auprès de Madame Récamier. Il y avait 12 ans que je ne l'avais rencontrée, et encore ne l'avais-je aperçue qu'un moment. Je ne la regardais point. Elle ne me regardait pas. Nous n'échangeons pas une parole. Lorsque, vers la fin du dîner, elle m'adressa timidement quelques paroles sur la maladie de Madame de Staël, je tournai un peu la tête et je levai les yeux. Je craindrais de profaner aujourd'hui par la bouche de mes années un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse et dont le charme s'accroît à mesure que ma vie se retire. J'écarte mes vieux jours pour découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l'abîme les harmonies d'une région plus heureuse. Madame de Staël mourut, note, le 14 juillet 1817, fin de note. Le dernier billet qu'elle écrivit à Madame de Duras était tracé en grandes lettres dérangées, comme celles d'un enfant. Un mot affectueux s'y trouvait pour Francis. Le talent qui expire saisit davantage que l'individu qui meurt. C'est une désolation générale dont la société est frappée. Chacun au même moment fait la même perte. Avec Madame de Staël s'abattit une partie considérable du temps où j'avais vécu. Telle de ces brèches qu'une intelligence supérieure en tombant forme dans un siècle ne se referme jamais. Sa mort fit sur moi une impression particulière, à laquelle se mêlait une sorte d'étonnement mystérieux. C'était chez cette femme illustre que j'avais connue Madame Récamier, et après de longs jours de séparation, Madame de Staël réunissait deux personnes voyageuses devenues presque étrangères l'une à l'autre. Elle leur laissait à un repas funèbre son souvenir et l'exemple de son attachement immortel. J'allai voir Madame Récamier rue Basse du Rempart et ensuite rue d'Anjou. Quand on s'est rejoint à sa destinée, on croit ne l'avoir jamais quittée. La vie, selon l'opinion de Pythagore, n'est qu'une réminiscence qui, dans le cours de ses jours, ne se remémore quelques petites circonstances indifférentes à tous, or à celui qui se les rappelle. À la maison de la rue d'Anjou, il y avait un jardin, dans ce jardin, un berceau de tilleuls, entre les feuilles desquelles j'apercevais un rayon de lune lorsque j'attendais Madame Récamier. Ne me semble-t-il pas que ce rayon est à moi et que si j'allais sous les mêmes abris, je le retrouverais? Je ne me souviens guère du soleil que j'ai vu briller sur bien des fronts. J'étais au moment d'être obligé de vendre la vallée au loup que Madame Récamier avait louée de moitié avec Monsieur de Montmorency. De plus en plus éprouvée par la fortune, Madame Récamier se retira bientôt à l'abbaye au bois. La duchesse d'Abrantès parle ainsi de cette demeure. L'abbaye au bois, avec toutes ses dépendances, ses beaux jardins, ses vastes cloîtres dans lesquels jouaient de jeunes filles de tous les âges, au regard insoucieux, à la parole folâtre, l'abbaye au bois n'était connue que comme une sainte demeure à laquelle une famille pouvait confier son espoir. Encore ne l'était-elle que par les mères ayant un intérêt au-delà de sa haute muraille. Mais une fois que la sœur Marie avait fermé la petite porte surmontée d'un attique, limite du Saint-Domaine, on traversait la grande cour qui sépare le couvent de la rue, non seulement comme un terrain neutre, mais étranger. Aujourd'hui, il n'en va pas ainsi. Le nom de l'abbaye au bois est devenu populaire, sa renommée est générale et familière à toutes les classes. La femme qui y vient pour la première fois en disant à ses gens « à l'abbaye au bois » est sûre de n'être pas questionnée par eux pour savoir de quel côté ils doivent tourner. D'où lui est venue, en aussi peu de temps, une renommée si positive, une illustration si connue? Voyez-vous deux petites fenêtres tout en haut, dans les combles, là, au-dessus des larges fenêtres du grand escalier? C'est une des petites chambres de la maison. Eh bien, c'est pourtant dans son enceinte que la renommée de l'abbaye au bois a pris naissance. C'est de là qu'elle est descendue, qu'elle est devenue populaire. Et comment ne l'aurait-elle pas été lorsque toutes les classes de la société savaient que dans cette chambre habitait un être dont la vie était déshéritée de toutes les joies, et qui néanmoins avait des paroles consolantes pour tous les chagrins, des mots magiques pour adoucir toutes les douleurs, des secours pour toutes les infortunes. Lorsque du fond de sa prison, Coudert entrevit l'échafaud, quelle fut la pitié qu'il invoqua ? « Va chez Madame Récamier, dit-il à son frère. « Dis-lui que je suis innocent devant Dieu. Elle comprendra ce témoignage. » Et Coudert fut sauvé. Madame Récamier associa à son action libérale cet homme qui possède en même temps le talent et la bonté. Monsieur Ballanche seconda ses démarches et l'échafaud dévora une victime de moins. C'était presque une merveille présentée à l'étude de l'esprit humain que cette petite cellule dans laquelle une femme, dont la réputation est plus qu'européenne, était venue chercher du repos et un asile convenable. Le monde est ordinairement oublieux de ceux qui ne le convient plus à leur festin. Il ne le fut pas pour celle qui, jadis, au milieu de ses joies, écoutait encore plus une plainte que l'accent du plaisir. Non seulement la petite chambre du troisième de l'abbaye au bois fut toujours le but des courses des amis de Madame Récamier, mais comme si le prestigieux pouvoir d'une fée eût adouci la raideur de la montée, ces mêmes étrangers, qui réclamaient comme une faveur d'être admis dans l'élégant hôtel de la Chaussée d'Antin, sollicitaient encore la même grâce. C'était pour eux un spectacle vraiment aussi remarquable qu'aucune rareté de Paris, de voir dans un espace de 10 pieds sur 20 toutes les opinions, réunis sous une même bannière, marcher en paix et se donner presque la main. Le vicomte de Chateaubriand racontait à Benjamin Constant les merveilles inconnues de l'Amérique. Mathieu de Montmorency, avec cette urbanité personnelle à lui-même, cette politesse chevaleresque de tout ce qui porte son nom, était aussi respectueusement attentif pour Madame Bernadotte, allant régner en Suède, qu'il aurait été pour la sœur d'Adélaïde de Savoie, fille d'Humbert aux Blanches Mains, cette veuve de Louis le Gros qui avait épousé un de ses ancêtres. Et l'homme des temps féodaux n'avait aucune parole amère pour l'homme des jours libres. Assises à côté l'une de l'autre sur le même divan, la duchesse du faubourg Saint-Germain devenait polie pour la duchesse impériale. Rien n'était heurté dans cette cellule unique. Lorsque je revis Madame Récamier dans cette chambre, je revenais à Paris, d'où j'avais été longtemps absente. C'était un service que j'avais à lui demander et j'allais à elle avec confiance. Je savais bien par des amis communs à quel degré de force s'était porté son courage. Mais j'en manquais en la voyant là, sous les combles, aussi paisible, aussi calme que dans les salons dorés de la rue du Mont-Blanc. « Et quoi, me dis-je, toujours des souffrances ?» Et mon œil humide s'arrêtait sur elle avec une expression qu'elle dut comprendre. Hélas, mes souvenirs franchissaient les années, ressaisissaient le passé. Toujours battue de l'orage, cette femme, que la renommée avait placée tout en haut de la couronne de fleurs du siècle, depuis 10 ans voyait sa vie entourée de douleurs, dont le choc frappait à coups redoublés sur son cœur et la tuait. Lorsque, guidée par d'anciens souvenirs et un attrait constant, je choisis l'abbaye au bois pour mon asile La petite chambre du troisième n'était plus habitée par celle que j'aurais été y chercher. Madame Récamier occupait alors un appartement plus spacieux. C'est là que je l'ai vue de nouveau. La mort avait éclairci les rangs des combattants autour d'elle, et de tous ces champions politiques, M. de Chateaubriand était, parmi ses amis, presque le seul qui eût survécu. Mais vint à sonner aussi pour lui l'heure des mécomptes et de l'ingratitude royale. Il fut sage. Il dit adieu à ses faux-semblants de bonheur et abandonna l'incertaine puissance tribunitienne pour en ressaisir une plus positive. On a déjà vu que dans ce salon de l'abbaye au bois, il s'agite d'autres intérêts que des intérêts littéraires, et que ceux qui souffrent peuvent tourner vers lui un regard d'espérance. Dans l'occupation constante où je suis, depuis quelques mois, de ce qui a rapport à la famille de l'empereur, j'ai trouvé quelques documents qui ne me paraissent pas hors d'œuvre en ce moment. La reine d'Espagne se trouvait dans l'obligation absolue de rentrer en France. Elle écrivit à Madame Récamier pour la prier de s'intéresser à la demande qu'elle faisait de venir à Paris. M. de Chateaubriand était alors au ministère, et la reine d'Espagne, connaissant la loyauté de son caractère, avait toute confiance dans la réussite de sa sollicitation. Cependant, la chose était difficile, parce qu'il y avait une loi qui frappait toute cette famille malheureuse, même dans ses membres les plus vertueux. Mais M. de Chateaubriand avait en lui ce sentiment d'une noble pitié pour le malheur qui lui fit écrire plus tard ces mots touchants. « Sur le compte des grands, je ne suis pas suspect. Leur malheur seulement attire mon respect. Je hais ce pharaon que l'éclat environne, mais s'il tombe, à l'instant, j'honore sa couronne. Il devient, à mes yeux, roi par l'adversité. Des pleurs, je reconnais l'auguste autorité, courtisan du malheur, etc. » etc. M. de Chateaubriand écouta les intérêts d'une personne malheureuse. Il interrogea son devoir, qui ne lui imposa pas la crainte de redouter une faible femme, et deux jours après la demande qui lui fut adressée, il écrivit à Madame Récamier que Madame Joseph Bonaparte pouvait rentrer en France, demandant où elle était, afin de lui adresser par M. Durand de Mareuil, notre ministre alors à Bruxelles, la permission de venir à Paris sous le nom de la comtesse de Villeneuve. Il écrivit en même temps à M. de Fagel. J'ai rapporté ce fait avec d'autant plus de plaisir qu'il honore à la fois celle qui demande et le ministre qui oblige, l'une par sa noble confiance, l'autre par sa noble humanité. Madame d'Abrantès loue beaucoup trop ma conduite, qui ne valait même pas la peine d'être remarquée. Mais, comme elle ne raconte pas tout sur l'abbaye au bois, je vais suppléer à ce qu'elle a oublié ou omis. Le capitaine Roger, autre Coudert, avait été condamné à mort. Madame Récamier m'avait associé à son œuvre pie pour le sauver. Benjamin Constant était également intervenu en faveur de ce compagnon de Caron. Il avait remis au frère du condamné la lettre suivante pour Madame Récamier. Je ne me pardonnerai pas, madame, de vous importuner toujours, mais ce n'est pas ma faute s'il y a sans cesse des condamnations à mort. Cette lettre vous sera remise par le frère du malheureux Roger, condamné avec Caron. C'est l'histoire la plus odieuse et la plus connue. Le nom seul mettra M. de Chateaubriand au fait. Il est assez heureux pour être à la fois le premier talent du ministère et le seul ministre sous lequel le sang n'est pas coulé. Je n'ajoute rien, je m'en remets à votre cœur. Il est bien triste de n'avoir presque à vous écrire que pour des affaires douloureuses. Mais vous me pardonnez, je le sais, et je suis sûr que vous ajouterez un malheureux de plus à la nombreuse liste de ceux que vous avez sauvés. Mille tendres respects, B. Constant. Paris, 1er mars 1823. Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il s'empressa de témoigner sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Un après-midi, j'étais chez Madame Récamier, comme de coutume. Tout à coup apparaît cet officier. Il nous dit avec un accent du midi, « Sans votre intercession, ma tête roulait sur l'échafaud. » Nous étions stupéfaits, car nous avions oublié nos mérites. Il s'écriait, rouge comme un coq, « Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas ?» Nous faisions vainement mille excuses de notre peu de mémoire. Il partit, entrechoquant les éperons de ses bottes, furieux de ce que nous nous souvenions pas de notre bonne action, comme s'il eût eu à nous reprocher sa mort. Vers cette époque, Talma demanda à Madame Récamier à me rencontrer chez elle, pour s'entendre avec moi sur quelques vers de l'Othello de Ducis qu'on ne lui permettait pas de dire tels qu'ils étaient. Je laissai les dépêches et je courus au rendez-vous. Je passai la soirée à refaire avec le moderne Roscius les vers malencontreux. Il me proposait un changement, je lui en proposais un autre, nous rimions à l'envi. Nous nous retirions à la croisée ou dans un coin pour tourner et retourner à Némistiche. Nous eûmes beaucoup de peine à tomber d'accord pour le sens ou pour l'harmonie. Il eût été assez curieux de me voir, moi, ministre de Louis XVIII, lui, Talma, roi de la Seine, oubliant ce que nous pouvions être, jouter de verve en donnant au diable la censure et toutes les grandeurs du monde. Mais si Richelieu faisait représenter ses drames en lâchant Gustave Adolphe sur l'Allemagne, ne pouvais-je pas, humble secrétaire d'État, m'occuper des tragédies des autres en allant chercher l'indépendance de la France à Madrid ? Madame la duchesse d'Abrantès, dont j'ai salué le cercueil dans l'église de Chaillot, n'a peint que la demeure habitée de Madame Récamier. Je parlerai de l'asile solitaire. Un corridor noir séparait deux petites pièces. Je prétendais que ce vestibule était éclairé d'un jour doux. La chambre à coucher était ornée d'une bibliothèque, d'une harpe, d'un piano, du portrait de Madame de Staël et d'une vue de Copé au clair de lune. Sous les fenêtres étaient des pots de fleurs. Quand tout essoufflé, après avoir grimpé trois étages, j'entrai dans la cellule aux approches du soir, j'étais ravi. La plongée des fenêtres était sur le jardin de l'abbaye, dans la corbeille verdoyante duquel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionnaires. La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de l'œil, des clochers pointus coupaient le ciel et l'on apercevait à l'horizon les collines de Sèvres. Le soleil mourant dorait le tableau et entrait par les fenêtres ouvertes. Madame Récamier était à son piano, l'angélus tintait, les sons de la cloche, qui semblait pleurer le jour qui se mourait, il giorno pianger che si muore, se mêlait aux derniers accents de l'invocation à la nuit de Roméo et Juliette de Steibelt. Quelques oiseaux se venaient coucher dans les jalousies relevées de la fenêtre. Je rejoignais au loin le silence et la solitude par-dessus le tumulte et le bruit d'une grande cité. Dieu, en me donnant ces heures de paix, me dédommageait de mes heures de trouble. J'entrevoyais le prochain repos que croit ma foi, que mon espérance appelle. Agité au dehors par les occupations politiques ou dégoûté par l'ingratitude des cours, la placidité du cœur m'attendait au fond de cette retraite, comme le frais des bois au sortir d'une plaine brûlante. Je retrouvais le calme auprès d'une femme de qui la sérénité s'étendait autour d'elle sans que cette sérénité eût rien de trop égal, car elle passait au travers d'affections profondes. Hélas, les hommes que je rencontrais chez Madame Récamier, Mathieu de Montmorency, Camille Jordan, Benjamin Constant, le duc de Laval, ont été rejoindre Hingant, Joubert, Fontane, autres absents d'une autre société absente. Parmi ces amitiés successives se sont élevés de jeunes amis, rejetons printaniers d'une vieille forêt où la coupe est éternelle. Je prie Monsieur Ampère, qui lira ceci quand j'aurai disparu. Je leur demande à tous de me conserver quelques souvenirs. Je leur remets le fil de la vie dont l'HSIS laisse échapper le bout sur mon fuseau. Mon inséparable camarade de route, M. Ballanche, s'est trouvé seul au commencement et à la fin de ma carrière. Il a été témoin de mes liaisons rompues par le temps, comme j'ai été témoin des siennes entraînées par le Rhône. Les fleuves minent toujours leurs bords. Le malheur de mes amis a souvent penché sur moi, et je ne me suis jamais dérobé au fardeau sacré. Le moment de la rémunération est arrivé. Un attachement sérieux daigne m'aider à supporter ce que leur multitude ajoute de pesanteur à des jours mauvais. En approchant de ma fin, il me semble que tout ce qui m'a été cher dans Madame Récamier, et qu'elle était la source cachée de mes affections. Mes souvenirs de divers âges, ceux de mes songes comme ceux de mes réalités, se sont pétris, mêlés, confondus, pour faire un composé de charmes et de douces souffrances dont elle est devenue la forme visible. Elle règle mes sentiments, de même que l'autorité du ciel a mis le bonheur, l'ordre et la paix dans mes devoirs. Je l'ai suivie, la voyageuse, par le sentier qu'elle a foulé à peine. Je la devancerai bientôt dans une autre patrie. En se promenant au milieu de ses mémoires, dans les détours de la basilique que je me hâte d'achever, elle pourra rencontrer la chapelle qu'ici je lui dédie. Il lui plaira peut-être de s'y reposer, j'y ai placé son image. Fin de la section 36. Fin du livre 11e.